La disparition mystérieuse. En ces temps-là, la Bourgogne était heureuse, et la Franche-Comté y tout. Des coteaux d'Arbois, de Poligny et de Salins descendaient chaque automne avec les cuves pleines, le beau vin couleur peau d'oignon jaillit des grappes de Poulsard, et les vignerons à rouge trogne bénissaient le Seigneur dont le bon soleil gorgeait de vie les pampres vigoureux et emplissait leurs futailles. Donc, à cette époque, que nous ne préciserons pas davantage, dans le temps vivaient, l'un à Salins, l'autre sur les hauteurs du plateau de Cornabœuf, deux vrais amis comme on n'en fait plus guère aujourd'hui, deux vieux camarades que non seulement avaient unis, dès leur plus tendre enfance, les liens d'un sentiment fraternel, mais que l'art, encore, en ce coin perdu de province, faisait communier fort souvent sous les espèces de discussions aussi pacifiques que passionnées. Discussion qu'avivait de son feu généreux la rouge purée septembrale si douce au cœur douloureux et aux gosiers altérés. Ainsi, le poète Étienne Lecourt, admirateur de Casimir de Lavigne et auteur, peu goûté dans son pays où nul n'est prophète, auteur, disons-nous, des échos du cœur, tenait en haute et particulière estime le musicien Jacques Mirondeau, son aîné, lequel, heureux des seuls accords qu'il tirait de son violon, avait vécu libre et sans loi comme son ami Étienne jusqu'à 45 ans, âge auquel, par amour pour la musique, il avait épousé mademoiselle Euphrasie Jeannereau, de 20 ans plus vieille que lui, qui nourrissait pour l'harmonie le culte le plus fervent et passait devant son piano toutes les heures qu'elle ne consacrait pas à son ménage. Le mariage n'atténua point la bonne affection qui unissait les deux hommes. Au contraire, et souvente fois, quand le musicien, pour une raison ou pour une autre, tardait plus que de coutume à descendre en ville, le poète montait faire au campagnard et à sa femme une visite d'amitié et de respect. Ce jour-là, précisément, Étienne Lecourt, par le sentier abrupt, hérissé de rochers et bordé de déclivités dangereuses qui serpentent au flanc de la montagne, avait grimpé jusqu'à Cornabœuf, et madame Mirondeau au piano, Jacques l'archer en main, ils avaient passé tous trois un délicieux après-midi à faire de la musique et à discuter des dernières productions romantiques, en particulier de celle de monsieur Victor Hugo, lequel était, de l'avis d'Étienne, la honte des lettres françaises et la risée de l'Europe. Vers la tombée du jour, le poète, ayant pris son parapluie, baisa galamment les mains de madame Mirondeau et lui fit ses adieux. « Je vous accompagne à deux pas, » déclara Jacques, en échangeant pour ses sabots les pantoufles brodées par les soins de son épouse. « Je rapporterai mon lait en revenant. » Les deux amis partirent, entrèrent dans une ou deux maisons, puis la discussion ne paraissant point épuisée, ils continuèrent, dans le crépuscule qui tombait, à marcher en devisant, l'un le pot à la main, l'autre son parapluie sous le bras. Il y avait 3 jours que la petite ville de Salins, la commune de Cornabœuf et tous les villages des environs étaient intrigués et inquiets, que les parents, les amis et les voisins vivaient dans l'angoisse, car depuis 3 jours, on était absolument sans nouvelles du poète et du musicien. Quel accident terrible, ou quel crime atroce cachait cette double disparition. Une demi-heure après le départ de son mari, madame Mirondeau avait commencé à s'émouvoir de cette absence prolongée. Ayant interrogé la route et ne voyant rien venir, elle s'impatienta et, inquiète, jetant un fichu sur ses épaules, partit aux informations. Chez Golenot, l'aubergiste, où elle entra d'abord, le patron lui apprit que les deux hommes, après avoir avalé une seule chopine sur le pouce, étaient repartis, devisant, croyait-il, de poésie métrique ou de système métrique qu'il ne savait pas au juste, n'étant point savant comme l'étaient ses messieurs. Le fromager qu'elle interrogea ensuite l'avisa que Jacques, accompagné du monsieur aux longs cheveux, avait emporté son lait, comme d'habitude. C'était tout ce qu'il savait. Où donc était-il passé depuis le temps, car il n'avait assurément pu songer, dans l'accoutrement où il était, à descendre en ville. Rentré à la maison, ayant réussi à faire partager aux voisins son inquiétude, Madame Mirondeau les décida, et ce fut facile car tous portaient à Jacques une réelle affection, à partir sans tarder à la recherche de son époux. Au nombre d'une demi-douzaine, munis de lanternes, ils s'engagèrent sur le chemin de Salins qu'avaient dû suivre les deux hommes. Jusqu'au sommet de la côte, ils n'aperçurent rien, mais au pied de la croix de bois, érigée à l'endroit où le sentier s'engage dans la montagne, ils trouvèrent, tout plein et garni de sa couche de crème, le poteau au lait du musicien, signe indubitable qu'il avait passé par là. Ayant tenu conseil et réfléchi, ils conclurent que leur voisin, entraîné par son ami, avait dû descendre avec lui à Salins et qu'il en remonterait probablement dans la soirée. Toutefois, par acquis de conscience et au cas où un accident quelconque se fût produit, ils descendirent presque jusqu'à mi-côte le sentier en hurlant le nom de Jacques dans toutes les directions. Rien ne leur répondit que les fidèles échos de la vallée qui, dans la nuit étoilée et paisible, roulaient ironiques en se répercutant au loin. Madame Mirondeau s'était couchée à demi rassurée, mais le lendemain, Jacques n'étant pas revenu, un des voisins qui avait justement des courses à faire au marché partit dès la première heure pour aller là-bas quérir des renseignements. L'homme de Cornabeuf, arrivant à la maison qu'habitait le poète Étienne Lecourt sur le flanc du coteau de Belin, trouva la porte ouverte et l'appartement désert. Il appela. Aucune voix ne lui répondit. Il monta au premier étage et ne trouva rien. Très intrigué, fort inquiet, il s'engagea dans les rues de la ville et, tout en vaquant à ses affaires, informa ce qu'il rencontra de l'étrange et mystérieuse disparition. Personne, la veille au soir, n'avait vu le poète ni le musicien, et bientôt toute la population fut prévenue. Comme c'était jour de marché, la rumeur tomba sur les paysans comme un pavé dans une mare, se propageant rapidement dans tout le canton, et les gens de Cornabeuf, dès la rentrée de leurs compatriotes, n'hésitèrent point, tandis qu'on prévenait en hâte les autorités, à partir explorer en tous sens la montagne. On fouilla les anfractuosités de roc. Des citoyens courageux descendirent au moyen de cordes nouées bout à bout dans des précipices inexplorés. On pénétra dans les recoins les plus solitaires et les plus sauvages. On sonda les trous de la rivière. On visita les bouches de la ville les plus suspects et des maisons plus mal famées encore. Mais nulle part on ne trouva trace de l'un ou de l'autre des hommes disparus. Et cela durait depuis 3 jours. Et l'angoisse croissait avec la fatigue et l'énervement des recherches vaines. Que s'était-il passé? Certainement Jacques Mirondeau et Étienne Lecourt étaient morts, mais où pourrissaient leurs corps? Quelque rôdeur étranger, quelque assassin inconnu, les avait-il égorgés dans la montagne, emportant pour les enfouir au loin leurs cadavres dépouillés? L'énigme semblait indéchiffrable. Les gens de Cornabeuf, sentant peser sur eux l'horreur de ce mystère, se barricadaient le soir dans leur maison, tandis qu'à Salins, des citoyens érudits, évoquant les vieilles traditions et les époques troublées, parlaient de constituer chaque nuit des patrouilles qui veilleraient sur la ville endormie. Comme pointait l'aube du 4e jour et qu'un rassemblement imposant discutait les dernières hypothèses possibles, un gamin, tout à coup, fit remarquer que de la fumée semblait monter de la maison du poète. Son père, après l'avoir traité d'imbécile et caloté pour lui apprendre à se mêler sans y être invité à la conversation des grandes personnes, fut tout de même forcé de reconnaître, avec ceux qui l'entouraient, que le gars n'avait pas tort. Et puissamment intrigué, tous ceux qui étaient présents se précipitèrent dans la direction de la maison d'Étienne Lecourt. Ainsi que l'avait fait le paysan de Cornabeuf, ils entrèrent, et dans tout le rez-de-chaussée qu'ils visitèrent, ne découvrirent absolument rien. Sans se décourager, ils montèrent à l'étage supérieur qu'ils explorèrent à son tour, mais pas plus là qu'au grenier, ils ne réussirent à découvrir la source de la fumée. Pourtant, comme logiquement, proverbialement même, elle devait exister, ils s'entêtèrent, et à la queue leu-leu, descendirent l'escalier qui menait au sous-sol. Ainsi qu'il en est dans la plupart des maisons bâties dans le flanc de la colline, le sous-sol n'est qu'un demi-sous-sol, c'est-à-dire qu'une partie se trouve en terre et l'autre à l'air libre. Une sorte de cellier, précédant la cave, occupait ce dernier emplacement. On y entra. Devant une table, encombrée par un château de pain, une demi-meule de gruyère et une innombrable quantité de bouteilles vides, les deux amis qu'on croyait morts devisaient paisiblement comme des sages. Sur le poêle, récemment allumé, dans une casserole, un morceau de viande achevait de se carboniser. Car, étant arrivé à la croix du haut de la côte, au moment où la discussion était palpitante, Étienne Lecourt avait décidé son camarade à l'accompagner jusqu'à Salins, l'invitant à partager fraternellement son pain, son fromage et un morceau de veau qu'il avait à rôtir. Jacques Mirondeau avait accepté sans façon, et depuis 3 jours, ils étaient là, discutant tour à tour littérature et musique, devant la meule de fromage et les bouteilles de vin. Les paysans de Cornabeuf, pas plus que les gens de Salins, n'y avaient rien vu, car chacun ignorait que le poète Lecourt, pour être plus près de sa cave, avait jugé bon de transformer son cellier en cuisine et salle à manger. D'ailleurs, l'arrivée de leur compatriote ne parut point troubler les hautes préoccupations des deux artistes, et les braves salinois, ahuris, purent entendre le poète Étienne Lecourt clôturant d'une phrase lapidaire leur débat solennel et courtois. « Oui, mon cher Jacques, c'est comme je viens d'avoir l'honneur de vous l'expliquer, et vous m'avez bien saisi. Au fond, n'est-ce pas ? Ce monsieur Victor Hugo n'est qu'un Jean Foutre.